surgery. T'as invité, toi! Vas-y! Hurle! Vas-y! Monstre! Hurle! Ah, foutu dans ce trou à rat! l'emporte. Tu fais pas partie de la bande. Raclure. Dans le jardin, nous cultivons mille et une améliorations, si tu veux les étonner. Le jardin, tu dois visiter. Le docteur Steinman a dit que je sortirais aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur était aux petits soins. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Je serai la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. Encore une nuit de réveillon seule. Désespérément seule. Je suis sortie. Et toi, t'es coincée à Héphaïstos pour ton boulot. Imagine ma surprise. Je crois que je vais boire un autre verre. À la santé de Diane McClintock, la fille la plus tarte de Rapture. Assez idiote pour tomber amoureuse d'Andrew Ryan. Et assez folle pour... Abel Ryan! Mais qu'est-ce qui se passe? Qui va ça? Abel Ryan! Qu'est-ce qui se passe? Steinman. Je sais que le pavillon médical est votre domaine réservé, mais réfléchissez. Cet océan est glacial, plus froid qu'un couteau de boucher. Si on ne chauffe pas les canalisations, tôt ou tard, elles vont geler. Et si elles gèlent, tôt ou tard, elles vont éclater. Et tôt ou tard, Rapture va prendre l'eau. Je me rends compte que vous êtes plutôt du genre huppé, et franchement, je me moque éperdument de ce qui peut vous arriver. Cependant, si Rapture prend l'eau, nous courrons à la catastrophe. Et si ce jour-là arrive, croyez-moi, je ferai en sorte que Ryan vienne vous en toucher deux mots. À la surface, les parasites exigent que les médecins leur prodiguent des soins gratuits, que les fermiers les nourrissent par charité. En cela, ils sont semblables aux dévoyés, vicieux et corrompus qui rôdent dans les ruelles, à la recherche d'une proie facile qu'il séquestrera et torturera selon son bon plaisir. Il a été porté à mon attention que certains importuns avaient découvert le moyen de pirater les distributeurs automatisés. Je n'ai pas besoin de rappeler à chaque résident de Rapture que la libre entreprise est le fondement sur lequel nous avons bâti notre société. Les parasites seront châtiés. Dites, Brenda, vous pouvez me dire pourquoi il y a un trou large d'un mètre dans le mur de vos water depuis bientôt 3 semaines ? Bon, je n'ai pas la prétention d'être Shakespeare, mais je dirige un théâtre respectable, moi. Les gens viennent de Port-Neptune après leur travail pour chercher un peu de divertissement, n'est-ce pas ? Et tout ce qu'ils trouvent, c'est la puanteur qui s'échappe de vos chiottes. Il faut faire quelque chose. Test clinique, lot 44, Dr. Souchong. Client Fontaine Futuristics, Roland Wallace, sujet mâle de race blanche. Vous m'entendez, monsieur Wallace ? Oui, monsieur Souchong. Parfait. Bon, je vous présente le lot 44. Le nom de code du lot 44 est Rage, à cause de sa tendance à... Tenez-le ! Tenez-le bien ! Tenez-le ! Tenez-le ! Tenenbaum. Il m'arrive d'éprouver de la compassion pour cette pauvre petite chose. Quel manque d'inspiration! Elle se contente de rester là, bien sagement, avec ses réservoirs d'Adam, à régler ceci, améliorer cela. Pour ma part, je dois créer. En matière de manipulation génétique, voyez-vous, l'Adam est une toile vierge et les plasmides, des tubes de peinture. Test clinique, lot 23, Dr. Souchong, client Fontaine Futuristics. Les recherches sur le plasmide de télékinésie avancent bien. Levage d'objets à distance, positif. Déplacement d'objets dans l'espace, positif. Impossible d'arrêter une balle, mais peut capturer et lancer des objets rapides. Le problème ne vient pas du plasmide, mais du temps de réaction. Souchong a une idée pour un nouveau plasmide. Non seulement ces fillettes sont de véritables usines d'Adam, mais en plus, elles sont pratiquement invincibles. Elles régénèrent les chairs blessées avec des cellules souches tirées des tissus morts. Cependant, leur relation avec les limaces implantées est symbiotique. Car si on prélève la limace, voyez-vous, l'hôte meurt. Tenenbaum dit que ce n'est pas tuer, mais plutôt soulager un patient en phase terminale. Aphrodite arpente les couloirs, luisante comme un scalpel. Elle m'appelle. Steinmann, Steinmann, ce que vous cherchez, je peux vous le donner. Il vous suffit d'ouvrir les yeux. Et lorsque je la vois, elle me découpe en milliers de splendides morceaux de chair. Fil de soie 4-0, et voilà. Le nez est magnifique, Dr. Steinmann. Docteur ? Vous savez, maintenant que je la regarde, je n'avais pas vu que son visage s'affaissait autant. Scalpel. Pardon ? Scalpel. Docteur, elle n'est pas venue pour un lifting. Voyons, par où vais-je commencer ? Docteur, arrêtez. Docteur ! Docteur, je vous en prie ! Allez me chercher le chirurgien en chef ! Je veux voir le chirurgien en chef tout de suite! Ryan et l'Adam. L'Adam et Ryan, après des années d'études. Étais-je vraiment un chirurgien avant de les rencontrer? Nous gâchions nos coups de scalpel avec notre moralité désuète. Nous incisions un furoncle par-ci, rabotions un nez par-là. Cependant, pouvions-nous vraiment changer les choses? Je ne crois pas. L'Adam nous donne les moyens de le faire. Et Ryan nous libère de l'éthique illusoire qui nous entravait. Changez d'allure, de sexe, de race. Votre corps vous appartient. Il ne tient qu'à vous de le modifier. L'Adam pose de nouveaux problèmes aux professionnels de la médecine. l'évolution de nos outils entraîne celle de nos canons esthétiques. Voyez-vous, jadis, j'étais heureux d'enlever une verrue ou de révéler l'être humain qui se cachait derrière le monstre de foire. Mais c'était avant. Nous faisions, n'est-ce pas, avec les moyens du bord. Avec la dent, la chair humaine redevient cette argile originelle, ce matériau brut, riche d'une infinité de possibles. Ne serait-ce pas criminel de notre part de ne pas sculpter cette argile encore et encore jusqu'à ce que l'œuvre soit là, devant nous, inondée de sa perfection? Je suis beau. Je le sais bien. Regardez-moi. Pourrais-je affiner davantage cette perfection cosmétologique? La dent et mon scalpel m'ont métamorphosé. Mais ai-je pour autant atteint ma perfection? Qu'arrivera-t-il si ce n'est pas le talent qui m'abandonne, mais bien plutôt l'inspiration? Picasso, voyez-vous, lorsqu'il s'est lassé de peindre des êtres humains, les a représentés par des polygones, des cubes, des formes abstraites. Le monde a crié au génie! Pendant toute ma carrière de chirurgien, j'ai modelé les mêmes formes, encore et encore, nez retroussé, menton fendu, poitrine opulente. Ne serait-il pas merveilleux que je puisse obtenir avec un bistouri ce qu'il a obtenu avec un pinceau? Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec la déesse. Steinmann m'a-t-elle dit. Je suis venu vous affranchir de la servitude de la médiocrité. Je suis venu vous montrer une nouvelle forme de beauté. De quelle beauté s'agit-il, déesse? Lui ai-je demandé. La symétrie, mon bon Steinmann. Il est temps de faire quelque chose pour la symétrie. Pourquoi avons-nous deux yeux? Existe-t-il une loi qui nous y contraint? Deux bras, deux jambes, deux oreilles, deux seins! J'avais 16 ans à peine en arrivant dans les camps. C'est là que j'ai découvert l'amour et l'idolâtre passion que j'avais pour la science. Le docteur nazi faisait des expériences. Parfois, il manquait de rigueur scientifique et faisait une erreur. Quand je lui faisais remarquer, il était furieux, mais me demandait ensuite « Comment tu peux savoir tout cela ?» Je répondais « Je le sais, c'est tout. » Alors il hurlait « Si tu sais, pourquoi me le dire ?» Et je lui disais « Si vous êtes décidé à poursuivre dans cette voie, au moins, faites-le correctement. » Dans les camps, ils m'ont demandé de mener des expériences génétiques sur d'autres prisonniers. Il m'avait donné un surnom, Der Wunderkind, le petit génie. Les nazis, ils ne parlent que des yeux bleus et de la forme du front. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi un homme est faible et pourquoi un autre robuste. Pourquoi l'un est intelligent et l'autre stupide. Après avoir massacré tant d'innocents, on aurait pu penser que les nazis s'intéressaient à des choses plus utiles. Alerte sécurité en cours. Accès momentanément restreint. Nous vous remercions pour votre patience. Pendant une durée limitée, Ryan Industries vous offre gratuitement un plasmide pour n'importe quel canal dentaire à retirer à la dent du dandy. Choisissez le plasmide de minceur ou de télékinésie. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Get right quick. Try PlasmaQuick. PlasmaQuick. Your body, your way. Andrew Ryan asks you a simple question. Are you a man or a slave? The parasite hates three things: free markets, free will, and free men. The parasite has his eye on rapture. Keep your eye on the parasite. Atlas is a friend of the parasite. Don't be a friend of Atlas. Rumor is the tool of the parasite. Fontaine is dead. Rapture lives. Approaching a little sister is a criminal offense. Do not approach the little sisters. The smuggler is the friend of the parasite. It is your duty to report the smuggler. Ignore the lies of Atlas and his parasites. Rapture is on the rise. Andrew Ryan reminds us, we all make choices, but in the end, our choices make us. We all move the Great Chain, and the Great Chain moves us all. Un parasite rôde dans les couloirs. Nous rebâtissons notre cité et les incrédules envoient une mouche souiller notre onguent. Nous offrons 1000 Adams à celui ou celle qui lui clouera les ailes. Ces petites sœurs transportent l'Adam, le matériau génétique qui fait tourner les rouages de Rapture. Tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. Si vous croisez à nouveau le chemin d'un jardin des glaneuses, tâchez d'acquérir un ou deux nouveaux plasmides, si le prix reste raisonnable, bien sûr. Eh ben, on peut pas dire que vous soyez économe question munitions. Je vous en envoie par le tube pneumatique. Utilisez votre arc électrique sur cette tourelle. On dirait qu'un autre tunnel vient de s'effondrer. Bienvenue à Rapture, le royaume de la rouille et de la ferraille. Je ne sais pas comment vous avez fait votre coup, mais vous avez réussi, on dirait. À présent, dirigez-vous vers Port Neptune. J'ai hâte de vous serrer la main. Vous êtes bientôt revenu au sas d'urgence? Franchissez-le dès que vous y serez. Ryan vous a à l'œil maintenant. Vous ne l'entendrez pas venir, mais il surgira avant même que vous vous en rendiez compte. Les femmes au crochet, cette machine volante, tout ça doit vous sembler complètement foutraque, pas vrai? Ne vous en faites pas, ça passera. N'oubliez pas, vous pouvez court-circuiter toutes ces machines si vous les touchez avec votre arc électrique. Des chromosomes, faites une combinaison. Électrocutez-les avant de les assommer. Vous ferez d'une pierre deux coups. N'oubliez pas, d'une pierre deux coups. Cependant, vous avez besoin de la dent qu'elle transporte. Plus nous en aurons, plus nous aurons de plasmides. L'arc électrique, ça vous a plu? Attendez de voir la suite. Ma femme, Moira, elle est vraiment pas commode. Mais c'est un vrai trésor, et elle est tout pour moi. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est Dieu qui me punit de les avoir fait venir ici, elle et Patrick. Moi qui pensais que nous aurions une vie meilleure. Quel imbécile. Quel idiot. Bon, essayez de vous dégoter une baramine, ou quelque chose du même tonneau, je vous prie. Ces satanés chromosomes m'ont enfermé Johnny, avant de... Saloperie de chromosomes. Vous allez trouver votre place ici, j'en suis sûr. Before you even dream of towing it with a big daddy, we're gonna need to toughen you up. Ne t'approche pas! Sinon ce sera toi le prochain! Du calme, docteur. Il ne fait que chercher un peu d'Adam. Juste de quoi tenir le coup. Je ne le laisserai pas faire de mal à mes petites protégées. Tout va bien, l'ami. Ce n'est plus une petite fille. Plus comme avant. Le docteur Tenenbaum s'est occupé d'elle. Peter, ne lui fais pas de mal! N'as-tu donc pas de cœur? Pas de cœur? Voyez-vous ça? Et c'est le monstre qui a créé ces infâmes machines inhumaines qui nous dit ça? C'est vous qui avez pris de jolies fillettes pour les transformer ainsi. Écoutez-moi bien, vous ne survivrez pas sans la dent que ces choses transportent. Voulez-vous vraiment mettre votre vie, celle de ma femme et de mes enfants dans la balance, pour épargner les monstres inventés par Tenenbaum? Il y a un autre moyen. Utilise ceci. Libère-les de leurs souffrances. Je trouverai un moyen de te dédommager. Vous ne pouvez rien faire pour cette petite sœur, mais quelqu'un d'autre le peut. Du calme, docteur. Il ne fait que chercher un peu d'Adam, juste de quoi tenir le coup. Tout va bien là-bas. Il était temps que quelqu'un s'occupe de cette raclure. N'oubliez pas de prendre la clé de Steinmann et repartez vers le sas d'urgence. Je suis moi-même en train de me diriger vers l'arrière de Port Neptune. Nous y serons bien assez tôt. Avec ça, on peut visser un écrou ou briser un crâne. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici. Oh, ça, non. J'entends ce chromosome. On se croirait le soir de la fête nationale. Les explosifs sont une denrée rare ici. Mais si vous mettez la main sur un plasmide de télékinésie, vous pourrez rattraper ces maudites bombes pour les renvoyer dans son gosier ou sur tout ce qui vous barre la route. J'entends ce chromosome. On se croirait le soir de la fête nationale. Les explosifs sont une denrée rare ici. Mais si vous pouviez attraper quelques-unes des bombes qu'ils vous lancent, vous pourriez reprendre le dessus ou vous frayer un passage. Vous devrez trouver un moyen d'atteindre l'aile chirurgicale et Steinmann. Allez, au liqueur, le petit Jésus n'aime pas les poltrons. Vous Vous allez devoir pirater ce système si vous voulez entrer dans le pavillon médical. Vous avez alerté la meute entière. Les voilà qui arrivent. Imaginez que vous soyez plus intelligent, plus fort, plus robuste. Que diriez-vous de disposer de pouvoirs stupéfiants, d'un esprit vif comme l'éclair? Eh bien tout cela, c'est possible, grâce aux plasmides et aux fortifiants génétiques. Tenez bon, je vais essayer de vous maintenir la tête hors de l'eau. Et là, du calme. Votre code génétique a été entièrement modifié par le plasmide arc électrique. Je sais que c'est une sensation étrange, mais respirez profondément et ça ira mieux dans une minute. Vous venez de rencontrer le châtelain de ce maudit domaine, Andrew Ryan. Maintenant, allez jusqu'au sas d'urgence. Il va falloir la tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Non, ne bougez pas. Ne vous approchez pas du protecteur, vous entendez? Vous ne faites pas le poids. Si vous le laissez tranquille, il fera de même. Voilà qui devrait faire l'affaire. Vous avez fait le bon choix. N'oubliez pas, ce ne sont plus des fillettes, et c'est au docteur Tenenbaum qu'elles le doivent. Respirez profondément et sortez de la bathysphère. Ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Ces petites sœurs transportent là-dedans le matériau génétique qui fait tourner les rouages de Rapture. Tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. Vous croyez que c'est une enfant, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas. C'est une petite sœur maintenant. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal. Ces vieilleries qui viennent de la surface. Ici-bas, dans Rapture, ça n'a aucun sens. C'est un protecteur. La petite, elle, récolte la dent. Et lui, il la protège. Oh là, doucement. Baissez votre arme, je vous prie. Non, c'est pas vrai, vous êtes coincé. Je vais essayer d'ouvrir la sortie d'ici. Ça y est, sortez de là, dépêchez-vous. See if you can find a weapon nearby. Trust me, you'll be needing it. Tout va bien, l'ami. Ce n'est plus une petite fille. Plus comme avant. Le docteur Tenenbaum s'est occupé d'elle. I warned you to stay away from them behemoths. Wait until you're strong enough. On dirait que vous êtes à court d'Ève. C'est le carburant qui alimente tous vos plasmides. Je vous en envoie par le tube pneumatique. Encore à sec? Très bien, je vous envoie de l'Ève. Par le tube pneumatique. Tous les chemins de Rapture mènent à Ryan. La sécurité, les gros hommes, les protecteurs, les petites sœurs. Ryan diffuse une sorte de parfum de synthèse dans l'air. On appelle ça des phéromones. Avec ça, tout ce petit monde lui obéit, au doigt et à l'œil. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas, et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Back contraption there, dole out plasmids. Je vous ai déjà parlé du bien et du mal, pas vrai? C'est Ryan, ce gredin d'Andrew Ryan, il nous a trouvés. Damnation, il a fermé l'accès à Neptune. Il y a un autre moyen d'y arriver. Allez vers le central médical. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vite! Les caméras de sécurité, j'entends ces machines infernales tout autour de vous. Ce sont les yeux et les oreilles de Ryan. Pas de cœur, voyez-vous ça? Et c'est le monstre qui a créé ces infâmes machines inhumaines qui nous dit ça? C'est vous qui avez pris de jolies fillettes pour les transformer ainsi. Écoutez-moi bien, vous ne survivrez pas sans la dent que ces choses transportent. Voulez-vous vraiment mettre votre vie, celle de ma femme et de mes enfants dans la balance, pour épargner les monstres inventés par Tenenbaum? Si vous voyez un gros homme dans l'eau, attaquez-le avec votre arc électrique. Encore un peu. Encore. Souris à la caméra, ma belle. Tenenbaum vous fait marcher. Ces créatures ressemblent à des fillettes inoffensives, mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous devez récupérer le plus d'adents possible. C'est une question de survie. I told you, Boyle. You're gonna need to go after one of them hulking big daddies sooner rather than later. Once you defeat one, their little sister and the precious atom they're carrying will be yours for the taking. Si vous voulez utiliser le sas d'urgence, il vous faut la clé du docteur Steinman. C'est lui le patron ici. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu'il vous la remette par pure bonté d'âme. C'est pas son genre. Et pour être honnête, il m'arrive de me demander s'il lui reste une âme. Ouvrez bien l'œil si vous voyez Stadman. Ce sombre crétin tient boutique dans l'aile chirurgicale. Pour le trouver, suivez les traces de sang. Les plasmides ont transformé cet endroit en asile de fous. Au début, tout se passe bien. Cependant, si on exagère, le cerveau ne suit pas. Alors on se met à changer, à évoluer. Et un beau jour, votre voisin se transforme en monstre terrifiant. The Big Daddies are the toughest things going down here. But if you don't bother him, then he won't bother you. But those little sisters, they guard the atom you need. You start the fight when you're ready to finish it. Ça se complique. Voilà les sbires de Ryan. Vous tenez le coup, l'ami? Le premier plasmide est un sacré choc à encaisser. Cependant, rien de tel qu'une poignée d'éclairs, pas vrai? Écoutez, j'ai une famille. Je veux les faire sortir d'ici. Cependant, les chromosomes m'empêchent de les rejoindre. Si vous pouvez les rejoindre au trésor de Neptune, alors que, peut-être, vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus malchanceux de la Terre en ce moment. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie. C'est une petite sœur. C'est l'occasion pour vous d'obtenir un peu d'Adam. Vous êtes fin prêt. Il est temps pour vous d'affronter un protecteur. Ce ne sera pas facile, mais c'est le seul moyen d'arriver aux petites sœurs. Et à la dent qu'elle transporte. Dites-moi, quelle association de scélérats vous envoie? Serait-ce le loup du KGB? Le chacal de la CIA? Écoutez-moi bien. Rapture n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envi. Et Andrew Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou Dazdania, comme vous préférez. Comment peut-on faire une chose pareille à un enfant? D'autres petites sœurs ont besoin de ton aide. Vas-tu te montrer aussi cruel avec elles? La voie du juste est semée d'embûches. Mais la récompense viendra en son temps. Sois patient. Je crois que celui-là a son compte. Tu crois qu'il a encore de la dent sur lui? T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire. Mauviette! T'es qu'une mauviette! Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner à protecteur. Lâche! T'as toujours été lâche! Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite! Tu finiras par boire la grande tasse! Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les chromosomes arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bathysphère descend. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Prenez cette radio à onde courte. Le chromosome est toujours là, dehors. A new face in Rapture. Hell, how long has it been? Quiet, Johnny. Rapture ain't no place for a showboat. Get to the bathysphere and don't take any chances. Y a des flammes à la surface. Je sais pas, tu feras mieux d'y aller. Johnny! Johnny, non! Johnny, la sécurité s'est déclenchée partout. Reste pas là, vite! Nah, can't be! Prenez cette radio à onde courte, je vous prie. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. There's gonna be splicers everywhere. Get out of there! Je le sais parce qu'une bathysphère descend. Et ça veut dire qu'on a de la compagnie. Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les chromosomes arrivent. Ne vous approchez pas! Vous risquez d'être la prochaine victime! Du calme, docteur. Il ne fait que chercher un peu d'Adam. Juste de quoi tenir le coup. Je ne le laisserai pas faire de mal à mes petites protégées! Tout va bien, l'ami. Ce n'est plus une petite fille. Plus comme avant. Le docteur Tenenbaum s'est occupé d'elle. Peter, ne lui faites pas de mal! N'avez-vous donc pas de cœur? Pas de cœur? Voyez-vous ça? Et c'est le monstre qui a créé ces infâmes machines inhumaines qui nous dit ça? C'est vous qui avez pris de jolies fillettes pour les transformer ainsi. Écoutez-moi bien. Vous ne survivrez pas sans la dent que ces choses transportent. Voulez-vous vraiment mettre votre vie, celle de ma femme et de mes enfants dans la balance, pour épargner les monstres inventés par Tenenbaum? Il y a un autre moyen. Utilise ceci. Libère-les de leurs souffrances. Je trouverai un moyen de te dédommager. Quand papa sera dans son trou, maman te vendra pour 4 sous. Quand maman sera bien, bien loin, tu seras tout seul dans ton coin. Et si tu chantes cette petite chanson, c'est que t'as perdu la raison. Chut, chut, maman est partie. Et papa aussi. Mais pourquoi? Pourquoi c'était avant? Et puis je... Pourquoi tu n'es plus là? Hein? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Et pas quand tu étais toute chaude et toute gentille avec moi? Pourquoi maman ne peut plus te serrer contre son cœur et sentir ton souffle tout contre elle? Oh non! Steinman? Is it Steinman? No, but let's take it out on him anyway! Qu'est-ce que tu comptes faire, Charley? Charley, j'ai de compte à rendre à personne! C'est mon Adam, je l'ai gagné! Non! Charley! Charley? Où es-tu passé? Brenda! Brenda! Là, tu dépasses les bornes, Brenda! Tu me prends vraiment pour un imbécile! Je t'aurais prévenu! Tu veux la manière douce ou la manière forte? Moi, ça m'est égal! Ouvre cette porte! Ouvre tout de suite! On a 2-day layover in Tampa, and the wife was madder than... looks like we've got a... On perd de l'altitude. Sur vitesse des moteurs 1 et 3, incendie électrique à bord. Je compense à 7500. Je crois que c'est bon! Remonte! Remonte! Ça y est, je l'ai! Mesdames et messieurs, ici le capitaine Cal Franklin. Il semblerait que nous ayons un léger problème. Veuillez rester assis, la situation est entièrement sous notre contrôle. Palier de vol à 290 à environ 330 miles au sud-est du Groenland. Ça ne va pas très bien à bord. Dites à Ryan que je suis désolé, ça n'arrivera plus. Non, pitié, faites pas ça, tout va exploser. Non! Ah! Alerte sécurité en cours. Accès momentanément restreint. Nous vous remercions pour votre patience. Alerte de sécurité en cours. Fin de l'alarme de sécurité. Ton protecteur va faire la sieste, petite sœur. Il n'y a que toi, moi et tout le bon Adam que je peux boire. Je vois de la lumière qui sort de son ventre. Attends, il respire encore. Tout va bien. Je sais que ce sera un ange bientôt. Regarde, Monsieur P. C'est un ange. Regarde, il y en a un tout frais, Monsieur P. Oh ! Celui-là voit toujours le soleil. Je peux pas les toucher quand il voit encore le soleil, Monsieur P. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong. Ding, ding, dong. Frère Jacques, dormez-vous. Sonnez les matines. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Monsieur P, c'est un ange. Je vois de la lumière qui sort de son ventre. Attends, il respire encore. Tout va bien. Je sais que ce sera un ange bientôt. Vous m'aviez promis de me faire plus belle, Steinman. Vous me l'aviez promis. Et regardez-moi. Regardez-moi. Vous m'aviez promis de me faire plus belle, Steinman. Vous me l'aviez promis! Et regardez-moi! Regardez-moi! Je suis trop modifiée! Personne ne voudra plus de moi maintenant! D'accord. Encore une petite minute. La bathysphère arrive. Johnny! La sécurité s'est déclenchée partout. Reste pas là, vite. D'accord. Encore une petite minute. La bathysphère arrive. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? I'm opening the hatch now. I'll head over. Just let me go. You can keep my radio. You can. Comment tu peux savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme. Vous pouvez... Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Pitié, madame. Je savais pas que c'était interdit. Me faites pas de mal. Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme. Vous pouvez... C'est à nouveau. C'est à nouveau. Ma jeunesse, ma rose, je vais te faire souffrir longtemps. What is it? Father, painting the collection plate again? Or you fancy something more saucy this time? Je crois que celui-là a son compte. Tu crois qu'il a encore de la dent sur lui? T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire! Mauviette! T'as qu'une mauviette! Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner un protecteur! Lâche! T'as toujours été lâche! Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite! Tu finiras par boire la grande tasse. Ring-a-ding, ring-a-ding, all laid out in your Sunday silkies. Mauviette! T'es qu'une mauviette! Lâche! T'as toujours été lâche! Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite! Tu finiras par boire la grande tasse! Nettoyer, récurer, rincer, laver! Il est mince. J'apprécie. Regardez-le. Il est si vulgaire. Regardez ce que vous m'avez fait! Regardez! Je peux vous sentir. Et c'est écœurant. Oui, Dr. Steinman. Non, Dr. Steinman. Pardon, Dr. Steinman. When Mom and Dad put me on that plane to visit my cousins in England, they told me, "Son, you're special. You were born to do great things." You know what? They were right. Dites-moi, quelle association de scélérats vous envoie? Serait-ce le loup du KGB? Le chacal de la CIA? Écoutez-moi bien. Rapture n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envi. Leandro Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou Dazudania, comme vous préférez. You see? You see what I mean? They haven't got the stomach for it. They don't have the will to greatness. What about you? Let's see if you're up to it. Avec la manipulation génétique, la beauté n'est plus un but, ni même une vertu. C'est une obligation morale. Je vous le demande, obligeons-nous les bien portants à vivre avec les malades? Mélangeons-nous les criminels et les honnêtes gens? Non, bien sûr que non. Alors, pourquoi les disgracieux pourraient-ils côtoyer les gracieux? Non, déesse, il va tout gâcher. Saisissez-le. Que vos harpies lacèrent ses chairs. Dis-moi, que dois-je faire de celle-ci, Aphrodite? Elle ne reste pas en place. Je veux les rendre plus belles, mais c'est toujours un échec. Celle-ci, trop grasse. Celle-là, trop grande. Une autre, trop symétrique. Et à présent, qu'y a-t-il d'est-ce? Un intrus? Il est laid. Il est hideux. Hideux! Pourquoi avons-nous deux yeux? Existe-t-il une loi qui nous y contraint? Deux bras, deux jambes, deux oreilles, deux seins! T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire. Ce petit poisson vaut pas le coup de se cogner à protecteur. Peter, ne lui faites pas de mal! Il y a un autre moyen. Utilise ceci. Libère-les de leur souffrance. Je trouverai un moyen de te dédommager. Tiens! Comment peut-on faire une chose pareille à un enfant? D'autres petites sœurs ont besoin de ton aide. Vas-tu te montrer aussi cruelle avec elles? Je ne le laisserai pas faire de mal à mes petites protégées! La voie du juste est semée d'embûches, mais la récompense viendra en son temps. Sois patient. Ne t'approche pas! Tu risques d'être la prochaine victime! Peter, ne lui faites pas de mal! N'avez-vous donc pas de cœur? Pardon, monsieur? Excusez-moi, veuillez relever votre tablette, je vous prie.